الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé et facilité ses assises que nous consacrons à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce noble mois de Ramadan. Le noble cheikh, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, a dit dans l'introduction de son livre Al-Ilmam bi ba'di ayati al-ahkam, il a été confirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors de la khutbah du Jumu'ah, la meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure guidée est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté de façon authentique que le messager d'Allah a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. » Il dit « Rahimahullah » et cela englobe le texte du Coran ainsi que sa signification et la science qu'il contient. Et c'est la meilleure parole, et c'est la meilleure parole et le livre d'Allah, il incombe aux croyants de s'en occuper de façon particulière au niveau de sa lecture, de sa mise en pratique, et ainsi il sera parmi les meilleurs des gens. Les compagnons ne dépassaient pas la mémorisation de 10 versets avant d'avoir appris la science et les œuvres qu'ils contiennent. Ainsi ils ont appris la science et les actes ensemble. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Et lors de notre première assise sur les obligations du Coran, nous avons vu certains qualificatifs du Coran. Et la première obligation vis-à-vis de ce Coran, c'était le fait de y croire. Et le fait de croire que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici d'autres qualificatifs du Coran avant de passer à la deuxième obligation, à la deuxième de nos obligations vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela: le Coran que nous révélons est une guérison, une miséricorde pour les croyants. Cependant, il ne fait qu'accroître la perdition des transgresseurs. Sa'di rahimahullah dit concernant ce verset, le Coran contient les remèdes, contient la miséricorde, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ceci n'est dû qu'à ceux qui croient en ces versets et qui le mettent en application. Quant aux transgresseurs qui ne croient pas en le Coran ou qui ne le mettent pas en application, ces versets ne font qu'augmenter leur perte, car avec le Coran s'accomplit la preuve contre eux. Et il a dit, rahimahullah, les remèdes que contient le Coran englobent les remèdes des cœurs contre les ambiguïtés, contre l'ignorance, contre les fausses opinions et contre la mauvaise déviance et contre les mauvais buts. Le Coran contient la science sûre par le biais de laquelle s'anéantit toute ambiguïté et toute ignorance. Et il contient l'exhortation qui dissipe toute forme de tentation, qui est en divergence avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il contient les remèdes pour toutes sortes de souffrances et toutes les maladies du corps. Et ceci, il dit, rahimahullah, quant à la miséricorde du Coran, c'est que le Coran incite aux causes et aux moyens du bien. Si la personne les accomplit, il gagne la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bonheur dans ce bas monde et le bonheur éternel, et à l'apaisement dans ce bas monde, et la joie et l'éternel bonheur dans le delà. Tout cela c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute là-dessus que c'est un remède. Mais le hic, il est où? Il est en nous. Il faut avoir la certitude sur la parole d'Allah, azza wa jal. Il faut avoir une croyance irréfutable que le Coran dissipe toutes sortes de maladies, toutes sortes de souffrances. Et que le Coran dissipe toute forme d'ignorance. Parce que c'est la base de la science bénéfique. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne peut pas être autrement. Et vous avez vu, nous avons vu lors de la première assise comment, le compagnon a guéri l'homme qui a été piqué par un venin. En lisant tout simplement le Fatiha. Et ceci est quelque chose de très important. Il faut qu'on sache revenir à prendre le remède du Coran en ayant une certitude sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est un remède et une guérison. Il faut avoir la certitude dessus, il faut le comprendre, le méditer et aussi le mettre en application pour qu'il soit une preuve pour nous et non pas contre nous. Le Coran, frère Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'âme qui fit vivre le cœur. Ainsi, il a été qualifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Les cœurs ne peuvent pas avoir une vie sans la révélation. Il est dit dans le verset, « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فوصفه الله بأنه روح من أمر الله عز وجل. Il est dit dans la révélation, nous t'avons révélé une âme de notre ordre. Cette âme, c'est le Coran qui a été qualifié par ce terme par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tu n'avais auparavant aucune connaissance du livre et de la foi, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, tu guides certes vers la voie droite. On remarque que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le Coran, il a nommé Ar-Ruh, c'est-à-dire l'âme. Et cela, comme l'ont clarifié les hommes de science, car le Coran, c'est la réelle vie des cœurs. Comme les corps ne peuvent pas vivre sans l'âme, les cœurs ne peuvent pas vivre sans la révélation. La réelle vie des cœurs, elle est dans la révélation. Et seulement dans la révélation. C'est avec ça que les cœurs s'apaisent. Et c'est avec ça que les cœurs retrouvent leur nature pour laquelle ils ont été créés. Frère en Allah subhanahu wa ta'ala, les devoirs des croyants vis-à-vis du Coran sont nombreux. Et voici un de ses devoirs. Nous avons vu qu'il faut d'abord croire en le Coran et croire irréfutablement que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des devoirs aussi, de nos devoirs vis-à-vis du Coran, c'est de le réciter convenablement, d'embellir la voix durant sa lecture. Il ne doit pas être lu comme n'importe quel livre. Il est obligatoire de le réciter comme il se doit, et ceci se concrétise aussi par le fait de mettre en application ses ordres et de s'abstenir de ce que le Coran interdit. C'est le but pour lequel il a été révélé. Tilawa, qui veut dire la récitation, il dit aussi le suivi, comme nous l'avons vu auparavant, wal qamari idha talaha, quand la lune qui suit le soleil. Et le terme, le verbe, c'est Allah. Donc, la récitation, c'est pas la récitation qui voulait tout simplement de réciter les expressions du Coran. Mais ce qui voulait aussi, c'est de bien les réciter, mais de les mettre, de suivre les enseignements du Coran, de mettre en application ce Coran. Il n'est pas descendu pour qu'on décore les maisons avec. Il est au-delà pour qu'on l'accroche comme amulette. Abadan, il est descendu pour que on le mette en application. Si le but principal de sa descente, les nobles compagnons du prophète, ils avaient l'honneur et la suprématie parce qu'ils ont mis ce Coran en application. Et regardez la bassesse et la faiblesse dans laquelle on se retrouve maintenant et qu'on voit qu'est-ce qu'on est par rapport au Coran, où on est par rapport à la mise en application du Coran. Et vous n'avez pas besoin de dessin. Regardez dans combien de choses on est en divergence avec le Coran. Hein? Chacun de nous se regarde devant une glace, il voit lui-même, dans son aspect, les divergences qu'il a sur son corps et sur son aspect apparent, la divergence qu'il a avec le Coran et avec les enseignements du Coran. D'après, il regarde ses actes, ses rapports avec autrui, ainsi de suite. Et si nous voulons sortir de cette bassesse, de cette faiblesse, et avoir la suprématie, nous devons revenir à l'utilisation du Coran et la mise en pratique du Coran comme l'avaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Sinon, on sera toujours humilié et les derniers de la chaîne. Hein? C'est la seule issue que nous avons, c'est de revenir à la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de réciter le Coran. Il est dit dans le verset « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi s-salata » Regarde, il a donné l'ordre au prophète alayhi salatu wassalam, récite le livre qui t'a été révélé et observe la prière. Hein? C'est pas tout simplement la récitation qu'il demandait. Il y a les actes qui suivent après. Wa qala subhanahu wa ta'ala وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dans le deuxième verset, il est dit, récite et suis ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de déclarer haut et fort cet ordre. قال عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala fait cet ordre à son messager. Et regardez combien de choses cet ordre contient. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, je n'ai reçu pour ordre que d'adorer le Seigneur de cette cité, c'est-à-dire la Mecque. Je n'ai reçu pour ordre que d'adorer le Seigneur de cette cité dont il a fait un territoire sacré. Et à lui appartiennent toutes choses. Il m'a également été ordonné d'être du nombre des soumis et de réciter et de suivre le Coran. Le soumis, il doit faire quoi? Il doit obéir à celui à qui il est soumis, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire en accomplissant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le veut Allah, et non pas en suivant nos passions, ni en suivant les leaders de nos partis ou autres, ou en suivant ce que font nos parents. Là, la religion, c'est Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et non pas les coutumes des gens, ni les habitudes sur lesquelles ont grandi les gens. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la lecture du Coran et du suivi du Coran un signe parmi les signes de la foi. Le fait de mettre en application le Coran, de le réciter comme il se doit, est un des signes de la foi de la personne. قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Il est dit dans le verset, ceux à qui nous avons donné le livre le récitent en le suivant, comme il se doit, cela y croit réellement. L'un des signes de la croyance de la personne, c'est le fait de se conformer à ce Coran et à cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce Coran a été révélé pour cela. Et il incombe aux musulmans d'embellir la voix quand ils récitent le Coran et de le réciter lentement et clairement. قال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, il récite le Coran lentement et clairement. Dans le hadith sahih, rapporté par Darimi, il est aussi dans Sahih al-Jami' de l'imam al-Albani, rahmatullahi alayhi, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, embellissez le Coran par vos voix, car la bonne voix augmente la beauté du Coran. La meilleure voix dans la lecture du Coran, c'est la voix de celui qui le lit lentement et clairement. Quand tu l'entends réciter le Coran, tu sens la crainte d'Allah. Comme cela est dit dans le hadith authentique rapporté par Ibn Majah rahimahullah ta'ala, qui a dit, la voix, le messager a dit, la voix que tu entends réciter le Coran, il te fait sentir que la personne craint Allah, c'est la meilleure voix dans la récitation du Coran. Et parmi les droits du Coran, et ce sera le troisième, c'est le fait de le méditer, de le comprendre, quand on le lit et quand on l'entend. Il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on le médite. Il est descendu pour cela, pour qu'il soit médité et qu'il soit compris. Et pour nous autres, pour y arriver, il est obligatoire de revenir à l'outil, à l'apprentissage de l'outil principal qui est la langue arabe. Peu importe le degré de la perfection de la traduction, il vous donnera jamais, jamais il vous donnera le sens réel. Abadan, ce ne sont que des approches. Et ce sont des approches qui font perdre beaucoup de temps dans une phrase dans laquelle il y a un verbe, un sujet et un complément. Des fois, pour le traduire, il faut 10 lignes. Alors qu'avec un verbe, un sujet et un complément, ce qui est voulu a été dit. D'où l'importance de s'atteler à apprendre cet outil principal qui est la langue arabe. Il ne faut pas s'attarder sur les traductions. Et des fois, on ne sait pas qui est ce traducteur. Le traducteur met ses convictions dans ce qu'il traduit. Il exprime sa voix, ses croyances et la voie sur laquelle il est. Et quand on ne sait pas discerner le vrai défaut, on risque de tomber dans un gouffre et dans l'égarement en écoutant n'importe qui. En écoutant n'importe quoi et n'importe qui. Et ceci est très dangereux pour la religion de la personne. Et il en va pour son salut, dans ce bas monde et dans le delà. Car la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en elle-même, c'est une religion. C'est pour ça que Ibn Sirin, rahimahullah, et d'autres parmi les grands hommes de science ont dit, cette science, c'est-à-dire la science du livre et de la sunna, est une religion en soi. Regardez chez qui vous prenez votre religion. Et ceci est très important, d'où l'importance d'acquérir cet outil pour que j'aille directement écouter le discours du Cheikh Al-Fawzan, du Cheikh Ibn Baz, du Cheikh Al-Albani, du Cheikh Rabi', du Cheikh Ubaid, du Cheikh Abd Mohsin Al-Abbad, des dignes de la communauté, et non pas dépendre des traducteurs. Et ceci est très important, la traduction... Il faut que ça soit une étape dans laquelle on s'endort pas. Pour moi, la traduction, depuis 20 ans, je lui donne, depuis plus de 20 ans, je lui donne cette image. Une personne traverse la rue et se fait renverser par une voiture. On l'emmène à l'hôpital, on lui met un plâtre. Sa nature, c'est quoi? C'est marcher, normal. Donc on lui met un plâtre le temps que ça se guérit. Et après le plâtre, il passe, il fait des séances de rééducation. Et après, il doit retrouver. Hein? Sa marche normale. Alors pour nous, notre marche normale, notre étude normale du Coran doit passer par la langue arabe. On ne doit pas s'endormir sur la traduction. Et ceci est très important. Comme tu dépenses de l'argent pour tes tacos, tu dois faire un peu d'économie sur tes tacos et tu réserves un peu pour avoir des 2 ou 3 heures de cours d'arabe durant la semaine. Il ne faut pas croire que 3 heures, c'est beaucoup. C'est rien. Parce que ceci est très important. Tout ce que tu auras dépensé, cela, si tu as une bonne intention, j'apprends l'arabe pour être à l'aise avec la religion d'Allah, pour apprendre le Coran et pour bien adorer Allah et bien comprendre la parole d'Allah et la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, dis-toi bien que tu as déjà pris un chemin, comme il a dit Sa'di rahimahullah, vers le paradis. Et que tu en seras récompensé. Et l'argent que tu as mis dedans, il sera pour toi, il sera une récompense pour toi le jour de la résurrection. Tu n'as rien perdu. C'est quelque chose que tu as mis en avant pour toi. Enfin, parmi les droits du Coran, c'est le fait de le méditer et de le comprendre. Quand on le lit et quand on l'entend. Qala subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le Coran. Dans cette traduction approximative du sens du verset. Ceci est un livre plein de bénédictions qui contient énormément de biens que nous t'avons révélés afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Il est descendu pour ça, pour prendre les leçons, pour le comprendre et prendre les leçons. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Jala' al-Afham, concernant cette description du Coran par le terme Mubarak, c'est-à-dire plein de... C'est un surlatif, comment vous appelez ça, un surlatif? Hein? Un qualificatif qui est... Non, non, plus que ça, plus qu'au qualificatif. Superlatif, barakallahu fik. Mubarak, c'est pas tout simplement, c'est plein de bénédictions. Hein? C'est beaucoup de biens, qui contiennent toutes sortes de biens. Il a dit, rahimahullah, le Coran mérite d'être nommé Mubarak. Car son bien est immense. Ainsi que ses bienfaits. Fin des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Allah, subhanahu wa ta'ala, blâme ceux qui ne méditent pas le Coran. Ils sont blâmés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Il est dit dans le verset, ne méditent-ils pas le Coran? Ils ont plutôt sur leur cœur des cadenas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne préserve que nos cœurs soient cadenassés. Quand le cœur il est cadenassé, il ne capte plus la vérité. Khalas, il est fermé. L'ayadan billah. Sa'di rahimahullah a dit concernant ce verset, s'ils avaient médité sur le Coran les orientera vers tous les biens et les avertira contre tout mal. Il emplira leur cœur de foi, leur esprit de certitude, et il les conduira vers les nobles buts, et il leur clarifiera le chemin qui mène vers Allah et vers son paradis. Et les clarifiera sur le chemin et sur les chemins qui mènent vers le châtiment d'Allah et comment éviter ces chemins. Et il leur fera connaître leur souverain et ses noms et ses attributs. Il leur fera connaître les grâces d'Allah et les motivera à chercher ses récompenses et leur fera peur de son châtiment. Et concernant, ils ont plutôt sur leur cœur des cadenas, il a dit, rahimahullah, leur cœur renferme le mal qu'il contient et le bien ne pourra pas y accéder. Et il a dit, rahimahullah, et ça c'est la réalité. Fin des citations des paroles de Saadi, rahimahullah. L'imam Shanqiti, rahimahullah, dont l'Adb al-Munir a dit concernant le Coran, les biens de ce livre sont immenses. Celui qui l'apprend et le met en application, il sera couvert de biens dans ce bas monde et dans le delà. Car Allah l'a qualifié de Mubarak. Et il n'y a aucun doute qu'il contient beaucoup de biens. Il dit, rahimahullah, certains savants du tafsir, c'est-à-dire de l'interprétation du Coran, disaient, nous nous sommes occupés du Coran, ces bienfaits nous ont couverts dans ce bas monde, car Allah a dit, ceci est un livre béni que nous t'avons révélé. Et nous espérons avoir la même chose dans le delà, car Allah a dit, ce livre que nous t'avons révélé est béni. Regardez comment, nos pieux prédisseurs et ceux qui ont compris le but de la vie et le but pourquoi le Coran est descendu, regardez comment ils sont avec le Coran, et regardez leur compréhension les amène vers où. Et là il dit, nous avons vu le bienfait d'Allah, en s'occupant du Coran, nous avons vu le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous dans ce bas monde. Et on attend encore plus dans le delà. Hein? Ce livre d'Ishanqit rahmatullah alayh est plein de bien. Sa mise en application n'est facilitée que pour les bons, les bénis, car il est plein de bien et c'est la parole du souverain du monde. Fin de citation des paroles de Shanqit rahimahullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des jinns. Quand ils ont écouté le Coran, ils l'ont compris et mis en application. Mais ils l'ont mis en application avec une rapidité extraordinaire. Il est dit dans le verset, « قُلُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا » La traduction approximative du sens du verset nous dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont écouté la récitation du Coran et ils ont dit ensuite à leur peuple, nous avons entendu la lecture d'un livre merveilleux qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous ne donnerons jamais plus aucun associé à notre Seigneur. Regardez la mise en application sur place. L'impact que le Coran a eu sur les jeunes, tout de suite, plus d'associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils y ont cru, ils ont invité les leurs à y croire, et ils l'ont mis en application. Ah, et ça, c'est l'impact du Coran. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinni, yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu, qalu wansitu. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Écoute ce verset et médite-le comme il se doit. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, mentionne ce groupe de djinns que nous avons dirigé vers toi pour qu'ils écoutent le Coran. Lorsqu'ils ont assisté à sa lecture, ils se sont dit les uns aux autres, observez le silence. Compare cette parole Ils ont commencé à écouter le Coran, ils étaient attentifs. Ils se sont conseillés mutuellement quoi? Le silence. Regarde, quand on monte dans une voiture et que le frère aimait le Coran, et qu'est-ce qui se passe? Hein? On n'arrête pas de discuter entre nous. Hein? Et regardez, les jeunes, comment ils sont. Ils se sont conseillés tout de suite. L'écoute. Le Coran, ça ne doit pas être un fond d'ambiance pour nous, pour agrémenter le voyage ou pour passer le temps. Abadan, où on est attentif à son écoute, où on veut discuter, dans ces cas-là, on arrête. On arrête la lecture du Coran, on arrête le CD ou ce qui a été mis. Hein? Regardez, observez ça chez Djinn. Hein? Mentionne ce groupe de djinn que nous avons dirigé vers toi pour qu'ils écoutent le Coran. Lorsqu'ils ont assisté à sa lecture, ils se sont dit les uns aux autres, observez le silence et écoutez attentivement. Et quand la lecture est terminée, ils retournent vers leur peuple pour les avertir. Tout de suite, la mise en application. Et ils leur ont dit, ô notre peuple, nous venons d'entendre la lecture d'un livre révélé après Moussa, qui confirme les livres qui l'ont précédé, et qui guide vers la vérité et vers la voie droite. Ô notre peuple, répondez au messager qui appelle à Allah et croyez en lui. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous sauvera d'un châtiment douloureux. Il vous sauvera d'un châtiment douloureux. Quiconque ne répond pas au messager qui appelle à Allah ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre et il n'aura en dehors de lui aucun protecteur. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Regardez l'impact qu'il a eu sur les jeunes et comment tout de suite ils sont partis vers les leurs pour les avertir et pour les appeler vers le fait de croire en ce livre, vers le fait de croire en ce messager alayhi salam et en le message qu'il a transmis. En Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons méditer ce genre d'impact. Hein? Et nous devons méditer l'impact qu'a le Coran. Allah Azza wa Jal a aussi fait les éloges des soumis vertueux qui comprennent, méditent le Coran et le mettent en application. Et qui le récitent lentement et le comprennent et le mettent en application. Qala Azza wa Jal, وَإِذَا سَمِعُوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui le lisent, et le récitent, et suivent ses enseignements. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset cité ici, lorsqu'ils entendent ce qui t'a été révélé, lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé au messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux débordés de larmes, en raison de la vérité qu'ils y reconnaissent. Et ils ont dit, Seigneur, nous croyons, inscris-nous au nombre des témoins. Pourquoi on ne va pas croire en Allah et en ce qui nous a, et en ce qui nous est parvenu de la vérité? Et « Pourquoi on ne va pas croire en Allah et en ce qui nous est parvenu de la vérité et ne pas désirer que notre Seigneur nous fasse entrer au paradis avec les vertueux? En récompense de ce qu'ils ont dit, Allah leur a accordé des jardins sur lesquels coulent des rivières où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Regardez comment, ceux-là, ils ont entendu, ils font partie des gens du livre, ils ont entendu la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ont reconnu la vérité qu'il contient, ils y ont cru, et leurs larmes étaient pleines de, et leurs yeux étaient pleins de larmes. Et voici un autre verset où Allah mentionne les qualités des soumis, qu'Allah facilite et nous aide pour être comme eux. قال عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. La traduction approximative du verset nous dit: ceux qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne les ignorent pas comme s'ils étaient sourds et aveugles. Allah a qualifié les croyants véridiques par ces qualificatifs, c'est-à-dire, ils ne sont pas aveugles au signe d'Allah, ils ne sont pas inattentifs non plus au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ayons ces qualités. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. La traduction approximative du sens du verset: les vrais croyants sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah, sont ceux dont le cœur frémit à la mention d'Allah et dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets, ceux qui placent exclusivement leur confiance en leur Seigneur, accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala une partie de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont les vrais croyants qui sont dans un rang élevé auprès de leur Seigneur et qui ont un pardon et une généreuse récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons comme ceux-là. Soyons des gens dont les cœurs frémissent, faites des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui réagissent à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous venons de voir, ce que nous venons d'entendre, ce sont certaines qualités, certaines caractéristiques des réels croyants. Quand ils entendent réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Qu'Allah nous comble de ses qualités. Mais il faut aussi utiliser les moyens pour y arriver. Et il faut se pencher sur l'explication du Coran. Quand on a le minimum d'arabe, par exemple, on a étudié l'Ajrumiyya, on peut lire facilement Taysir al-Karim al-Rahman de Cheikh Sa'di rahimahullah. Ou alors, on se penche sur Aysar al-Tafasir, celui, le petit recueil que a été édité par un certain nombre d'hommes de science, et qui est très facile pour quelqu'un qui a un minimum d'arabe. Et cela, ça aide. Cela aide beaucoup à la méditation du Coran et à la compréhension dessus. C'est avec la méditation et la compréhension du Coran que le Coran arrive à avoir un impact sur nous. Et donc, nous devons utiliser et acquérir les moyens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait partie aussi des droits du Coran sur nous. C'est que nous devons nous y cramponner et le mettre en application. Qala azza wa jal, fastamsik billadhi uhiya ilayk. إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. Et ça, c'est un message adressé au messager alayhi salatu wassalam, mais c'est aussi Il est adressé à la communauté. Il y a quelqu'un qui gêne dehors ? Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, « Attache-toi fermement à ce qui t'a été révélé, car tu suis une voie droite. Le Coran est un honneur pour toi et ton peuple, et vous serez interrogés à son sujet. » Le Coran est un honneur, il élève cette communauté. Mais nous allons être questionnés sur le Coran, et ce que nous avons fait du Coran. Et nos rapports avec le Coran étaient comment? En Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran doit être mis en pratique. Allah a ordonné dans son livre de préserver la prière. Donc il est obligatoire aux musulmans de préserver la prière. Et il a ordonné, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, le fait de s'acquitter de la zakat. Donc il est obligatoire à celui qui a atteint le quota pour la zakat de s'acquitter de sa zakat. Il a ordonné le jeûne. Il est obligatoire aux musulmans de jeûner. Il a ordonné l'entretien de la relation familiale et l'entretien du lien du sang. Il faut l'entretenir. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré, nous a clarifié sur le chemin du paradis. Il nous a averti contre le chemin de l'enfer et le chemin du shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié dans le Coran sur tout ce qui est illicite. Il nous a ordonné de s'en éloigner. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans le Coran les intérêts usuriers. Donc le musulman doit s'en éloigner. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans le Coran l'adultère. Donc le musulman doit s'éloigner de l'adultère et de tout ce qui approche de l'adultère. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans le Coran l'exhibition. Donc les musulmans doivent s'en éloigner ainsi que les musulmans. Les musulmans doivent s'acquitter de leurs devoirs envers le Coran en le mettant en application, en exécutant ses ordres selon les capacités et en s'abstenant et en s'éloignant de tout ce qu'il a interdit. Et parmi nos devoirs envers le Coran, c'est qu'on doit commercer avec Allah avec. On doit commercer avec Allah, avec le Coran. Le Coran est un commerce bénéfique qui draine de grands gains dans ce bas monde et dans le delà. Des gains sûrs, intarissables. Qala subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Il est dit dans cette traduction approximative du sens du verset, ceux qui récitent et suivent le livre d'Allah, accomplissent la prière et qui en secret et en public dépensent de ce que nous leur avons attribué dans l'espoir d'un commerce au profit intarissable. Ceci, afin qu'Allah leur accorde leur pleine récompense et y ajoute un surcroît de sa grâce. Il pardonne et il est reconnaissant, subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça. Ce qu'il y a dans le Coran, je dois le mettre en... Ça, c'est mon commerce. Je dois le mettre en application. S'abstenir de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, interdit, hein, pour avoir les récompenses et les bénéfices. Hein, de ce commerce intarissable qui est cité dans le verset. Et qu'on se rappelle la réaction d'Abu Talha quand ce verset a été révélé. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'allez pas atteindre le bien qu'une fois que vous dépenseriez de ce que vous aimez. Abu Talha a compris le message. Et il a compris ce que c'est qu'un commerce intarissable. Et il a offert sa ferme, sa palmeraie qui était en face de la Qibla, de la mosquée du prophète alayhi salam, pour Allah Azza wa Jal. Hein? Et parmi les gains de ce commerce intarissable, c'est le fait de gagner des hasanat. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, dans Sahih al-Jami' et chez Tirmidhi et d'autres, a dit, celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim constitue une seule lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une, on est une autre, il Mim également. Mais dites frère en Allah subhanahu wa ta'ala, ce commerce intarissable, si on lit une page du Coran où il y a des centaines de lettres, combien de milliers de hasanat on gagne? Quelle œuvre est mieux que celle-ci? Hein? Quelle œuvre est mieux que celle-ci? Pourtant, c'est une œuvre qui est très facile et qui est à la portée de tout le monde. Hein? Et là, c'est une énorme récompense de par Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense de la récitation, hein, est très importante. Donc, il ne faut pas non plus négliger le fait de réciter le Coran et d'avoir un wird dans sa journée. Un wird, c'est-à-dire une partie du Coran que tu lis. Minimum que chaque mois, tu lis le Coran une fois. Hada, c'est le minimum. Hein? C'est le minimum. C'est-à-dire, en lisant 2 chapitres par jour. Il y a 60 chapitres, en lisant 2 chapitres, hein? 1 chapitre par jour qui fait 2 hizbes, tu arrives à la fin du mois et tu as lu le Coran du début jusqu'à la fin. Et tu as la récompense de la lecture. Et aussi, quand tu as des difficultés à lire en arabe, tu as aussi la récompense de la difficulté. Hein? Famille dite, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces récompenses duquel il ne faut pas qu'on passe à côté. Et surtout durant les nobles saisons comme la saison du jeûne, comme le mois de Ramadan. Hein? Il faut intensifier cela, la lecture du Coran, sa méditation et la mise en application de ce qu'on contient ce Coran. Et nous allons arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم جزاكم الله خيرا.